إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous facilite. Nous reprenons l'étude du livre La pureté du tawhid bénéfique de l'imam al-Maqrizi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés à sa parole. Et parmi les effets de ce tawhid, celui qui le concrétise n'aura pas de colère contre les créatures si elles lui font du mal ou le privent d'un bien, ni ne se tournera vers elle en espérant un quelconque profit. En effet, comment celui qui voit que tout vient d'Allah peut-il avoir de la colère à cause d'un autre que lui, ou espérer d'un autre que lui? Et ce tawhid est celui des véridiques. En effet, celui qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration et sa seigneurie, ne se mettra pas en colère envers les créatures, dans le cas où il viendrait à lui faire du mal, ou le priver d'un bien, car il sait pertinemment que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété cela. Car c'est lui, Azza wa Jal, qui a créé les actions de ses serviteurs. Il dit dans le verset 96 de sourate Saffat, « Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun » Allah vous a créé, vous et vos œuvres. Également, il ne se tournera pas vers les créatures, car il sait que tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est capable de toute chose. Au contraire de la créature qui est elle limitée. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime lorsqu'on se tourne vers lui et qu'on lui demande. Au contraire des créatures qui, en général, n'aiment pas qu'on leur demande. Un poète d'antan disait « Ne demande rien au petit enfant d'Adam. Demande plutôt à celui dont les portes ne se ferment jamais. Allah est en colère lorsqu'on ne lui demande pas. Et le petit enfant d'Adam est en colère lorsqu'on lui demande. » C'est pour cela que parmi les recommandations de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Abdullah ibn Abbas ainsi qu'à l'ensemble de la communauté, on retrouve le fait de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah ibn Abbas, « Ô garçon, je vais t'enseigner des paroles. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Si tu demandes, demande à Allah. Et si tu cherches de l'aide, implore l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Ensuite, l'auteur nous dit, d'autre part, il ne fait pas de doute que les polythéistes ne renièrent pas le tawhid de la seigneurie. Ils affirmaient qu'Allah seul est leur créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, et celui qui s'occupe du bon ordre de l'univers. Ce qu'ils ont renié est uniquement le tawhid de l'adoration et de l'amour. Effectivement, les polythéistes reconnaissaient la seigneurie. Comme cela fut cité clairement dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ » Dis, qui vous attribue de la nourriture, du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout, ils diront Allah. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas? Néanmoins, pouvons-nous affirmer que tous les polythéistes d'antan reconnaissaient la seigneurie et qu'aucun d'entre eux n'ont associé dans la seigneurie? La réponse est non. Certains d'entre eux ont certes associé dans la seigneurie. Parmi eux, le peuple de Houd, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ » Ô Houd, tu ne nous apportes aucune preuve manifeste. Nous n'abandonnerons pas nos divinités sur ta simple parole. Et nous ne croyons pas en toi. Nous considérons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé un mal. Également, certains Arabes ont associé dans la seigneurie, car ils attribuaient la pluie aux astres. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent, d'après Zayd ibn Khalid, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigea la prière du Fajr dans la région d'Al-Hudaybiyah après une nuit pluvieuse. La prière accomplie, il se tourna vers les gens et leur dit « Savez-vous ce que votre Seigneur a dit ?» Ils répondirent « Allah et son prophète sont les plus savants. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « Il a dit « Ce matin, certains de mes serviteurs ont cru et d'autres ont mécru. Ceux qui ont dit « Il a plu par la grâce d'Allah et sa miséricorde » ont cru en moi et ont renié les étoiles. Quant à ceux qui ont dit « Il a plu grâce à telle ou telle étoile », ils m'ont renié et ont cru aux étoiles. » Par conséquent, lorsque l'auteur nous dit que les polythéistes n'ont pas renié la seigneurie, On comprend que cela est en règle générale. Et à notre époque, le polythéisme dans la seigneurie est plus répandu qu'avant. Et d'ailleurs, c'est l'une des différences entre les polythéistes d'avant et ceux de maintenant. Aujourd'hui, certains ont la conviction que le Wali peut créer, donner la vie et donner la mort. Alors que les polythéistes d'avant savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur et le seul pourvoyeur. Ensuite, l'auteur nous dit, tel qu'Allah le dit en parlant d'eux. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux, à lui en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, lorsqu'ils donnèrent des égaux à Allah dans ce tawhid, c'est-à-dire dans le tawhid de l'adoration, ils devinrent polythéistes. Ainsi, Allah dit, Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Ceci nous indique l'importance du tawhid. Et plus particulièrement, l'unicité de l'adoration. Car l'unicité de la seigneurie est bien établie dans les âmes des gens, à tel point que peu de gens le mettent en doute, qu'ils soient musulmans ou mécréants. C'est pour cela que les prophètes ont basé leur appel sur l'unicité de l'adoration. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, puis Allah enseigna à ses serviteurs qu'ils devaient se séparer des gens qui commettent le polythéisme dans le tawhid de l'adoration. Cette parole est très importante car elle nous indique que se séparer des polythéistes fait partie du tawhid. Et l'un des meilleurs moyens de concrétiser cela et d'accomplir la hijra. Car en accomplissant la hijra, le croyant se sépare des polythéistes. Car les terres de mécréance sont les pays où les mécréants sont en masse, là où leurs croyances et leurs idéologies sont propagées. Par conséquent, en restant dans ces pays, on se fait du tort à nous-mêmes et on met notre tawhid en danger. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de quitter les terres de mécréance pour aller vivre en terre d'islam, pour pouvoir extérioriser notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Lorsque les anges prennent l'âme de ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ils leur demandent « Où étiez-vous ?» Ils répondent « Nous étions faibles sur terre. » Ce à quoi les anges disent « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ?» Cela auront pour destination finale l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se sont fait du tort en commettant des péchés. Et l'un des plus grands péchés est le délaissement de la hijra. Par conséquent, celui qui délaisse la hijra, alors qu'il est en capacité de l'accomplir, s'est certes fait du tort à lui-même. Et les savants ont défini l'injustice comme étant le fait de mettre une chose dans un endroit qui n'est pas le sien. Et celui qui a délaissé la hijra n'est pas à sa place, car il aurait dû être avec les musulmans en terre d'islam. Et lorsque les anges leur demandent selon le sens, où étiez-vous? Ceci est un blâme. Les anges les blâment d'être restés avec les mécréants et d'avoir délaissé la hijra. Ils répondront à cette question. Par « Nous étions faibles sur terre ». Cependant, ils ne sont pas véridiques. Car si ils étaient vraiment faibles sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala les aurait excusés. Car dans le verset suivant, Allah a exclu les faibles. De ce fait, les anges n'acceptent pas leurs excuses et leur disent, selon le sens, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Et l'éminent savant, Ash-Shaykh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve, nous dit après avoir mentionné la partie de ce verset, il dit, c'est-à-dire, vous n'avez aucune excuse d'être resté avec les mécréants, mais vous avez plutôt été négligent. Puis il dit un peu plus loin, Hafizahullah, toute personne ayant délaissé la hijra, alors qu'il avait la capacité de l'accomplir, et comme ces gens sont la cause de la révélation de ce verset. Mais le jugement ne leur est pas restreint, mais plutôt, il englobe tout musulman résidant en terre de mécréance et qui a la capacité de faire la hijra, mais reste en terre de mécréance pour la vie d'ici-bas. Subhanallah. La ilaha illallah. Cette parole, ikhwani fillah, fait froid dans le dos. Toute personne vivant en terre de mécréance est concernée par ce verset. Parfois, lorsque tu lis le Coran, il est probable que tu ne te sentes pas forcément concerné par certains versets. Par exemple, le célibataire ne va pas forcément se sentir concerné par les versets sur le divorce, car il n'est pas marié. Et le pauvre ne va pas forcément se sentir concerné par les versets qui parlent de la zakat et du pèlerinage. Quant au verset de la Hijra, toute personne vivant en terre de mécréance ou ayant fait la Hijra est concernée par ce verset. Subhanallah. Jusqu'à quand allons-nous rester en terre de mécréance et nous faire du tort? Jusqu'à quand allons-nous faire du tort à nos enfants en restant dans ces pays où la mécréance, la perversité et toutes les calamités sont apparentes? Jusqu'à quand allons-nous nous cacher derrière des excuses qui ne sont pas légiférées pour justifier que nous n'avons pas accompli la hijra? Quand allons-nous nous réveiller et préserver notre religion et celle de nos enfants? La religion est ce qu'on possède de plus cher. S'il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien. Pourrait-on mettre en danger nos biens au quotidien? Accepterons-nous cela? Ou bien nous ferions tout pour mettre à l'abri nos biens et ne pas les exposer? Alors que dire de notre religion? Elle est plus en droit d'être préservée. Et pour nous montrer l'importance de la hijra, Allah subhanahu wa ta'ala termina ce verset par citer ce que tout croyant et toute croyante est censé redouter. Il dit azza wa jal, فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Cela auront pour destination finale l'enfer, ya ibadallah. Et quelle mauvaise destination! Et ceci nous indique l'obligation de la hijra. Car si elle n'aurait pas été obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas parlé de l'enfer. Car il ne mentionne pas l'enfer pour les choses recommandées. L'éminent savant, Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahimahullah rahmatan wasi'a, dit dans le tafsir de ce verset est une preuve que la hijra fait partie des plus grandes obligations et que son délaissement fait partie des plus grands péchés. Je répète, il dit rahimahullah, ce verset est une preuve que la hijra fait partie des plus grandes obligations et que son délaissement fait partie des plus grands péchés. Après avoir entendu cela, il se peut que quelqu'un se dise « Je suis d'accord avec tout ça, mais la hijra est difficile. C'est un grand changement. » Et un grand bouleversement dans la vie du musulman. Et s'il est converti, il rajoutera sûrement, surtout que je ne suis pas originaire du pays et que je n'ai pas la résidence, ou encore d'autres paroles similaires. Subhanallah, Allah Azza wa Jal, dans la même page, dans le verset 100, a encouragé ceux qui veulent faire la hijra et a répondu à beaucoup de questions que se posent ceux qui veulent faire la hijra. Il dit Azza wa Jal, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Quiconque émigre sur le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance de biens. Allahu Akbar. Ceci est la promesse de ton Seigneur. Il n'y a pas plus véridique que lui en parole. De quoi as-tu peur? Après avoir entendu ce verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à tous. Dans ce qu'il aime et agrée. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.